Non, c'est une invitation au dance floor. J'ai mis des claquettes pour piler la basse. Zéro bruit, sauf quand je glisse sur le gaz. Y'avait deux sacs, trois mecs, un four. J'ai pris la guitare et j'ai fait le tour. Chaleur loup des claquettes. Le combo sacré des têtes. Pas de skill danse entre les pièges et le chasse pas. Il est ancien. Un vieux m'a offert un piège à ours. J'ai mis sous le barbecue juste pour la course. Ils arrivent, ils sautent, ils crient, ils tombent. Rue c'est Koh-Lanta, mais en mode bombe. Un mini s'écrase sur un cactus. Un mec nu sort, il dit c'est plus. Mais Raider ce qu'il dit c'est toujours. Tant que l'autre sent l'amour. Chaleur, loup des claquettes. Un stream d'été en pichette. Rooster rue de Stéphane. Surtout quand t'es en slip sous le gueule.